Accompagne-moi dans la pureté. Respire avec moi dans la sainteté. Sois sobre avec moi en été. Accompagne-moi dans la pureté. Accompagne-moi dans la pureté. Respire avec moi dans la sainteté. Sois sobre avec moi en été. Accompagne-moi dans la pureté.